Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 129. De la magnanimité. La magnanimité a pour objet les actions très honorables. Elle est une vertu spéciale qui fait partie de la force. Son identité avec la confiance et avec la sécurité. Ses rapports avec les biens de la fortune. 1. La magnanimité a-t-elle pour objet les honneurs? La magnanimité, son nom l'indique, est une inclination de l'âme vers ce qui est grand, elle tend aux grandes actions et veut l'usage parfait d'une très grande chose. Or, parmi les biens extérieurs dont nous pouvons user, le plus excellent est l'honneur, soit parce qu'il se rapproche beaucoup de la vertu, dont il est comme la preuve vivante et à laquelle il rend témoignage, soit parce qu'on le consacre à Dieu et aux créatures supérieures, soit parce que les hommes, pour l'obtenir et éviter le déshonneur, n'épargnent rien. Puisque la magnanimité consiste à rechercher ce qui est grand, elle a pour objet les honneurs. Note. Quoi ? Dira quelqu'un, la vertu ne consiste-t-elle pas à fuir les honneurs plutôt qu'à les désirer ? La vertu, il est vrai, veut que l'on ne fasse rien d'inconvenant pour acquérir les honneurs, et qu'on ne les estime pas au-dessus de leur valeur. Mais on devrait blâmer un homme qui, par mépris de l'honneur, irait jusqu'à ne vouloir faire aucune œuvre digne d'éloge. La magnanimité, sans attacher un grand prix aux honneurs humains, nous excite aux actions honorables. Fin de la note. 2. La magnanimité a-t-elle pour objet les grands honneurs? Les honneurs donnent lieu à deux habitudes, l'une, qui recherche les petits honneurs, et celle-là n'a pas reçu de nom propre comme vertu, l'amour et le mépris de ces honneurs étant loués tour à tour, suivant qu'on les accepte ou qu'on les repousse avec modération. L'autre habitude a pour objet les grands honneurs, elle se nomme la magnanimité. Faire ce qui mérite un honneur éminent, voilà son but. Note. L'homme magnanime ne se laisse ni enorgueillir dans les honneurs, ni abattre dans les outrages. Les honneurs, grands ou petits, Phil les regarde comme au-dessous de lui, sachant bien que la vertu, honorée de Dieu même, n'a pas sa récompense ici-bas. Les outrages, il les méprise, parce qu'il ne les mérite pas. Fin de la note. 3. La magnanimité est-elle une vertu? Il est de l'essence de la vertu humaine de conserver, dans les affaires de la terre, le bien de la raison. Or, parmi les biens extérieurs, les honneurs tiennent le premier rang. La magnanimité, qui porte une mesure raisonnable dans la recherche des plus éminents, est donc une vertu. Note. Il n'est pas possible à tout homme vertueux de faire des actes de magnanimité, c'est le partage des grands. Mais on peut toujours posséder la disposition par laquelle on en accomplirait les actes, si la situation où l'on est le permettait. La magnanimité n'est point opposée à l'humilité, car il y a en nous des qualités qui sont un don de Dieu, et des défauts qui viennent de l'infirmité de notre nature. L'homme, magnanime s'estime beaucoup, en considération des dons qu'il a reçus de Dieu. L'homme, humble s'estime peu, en considération de ses propres imperfections. L'homme, magnanime n'estime pas les hommes en tant qu'il manque des dons de Dieu. L'homme, humble honore tous les hommes et les croit supérieurs à lui, en regardant en eux les dons de Dieu. C'est ainsi que le psalmiste, parlant de l'homme juste, après avoir dit, le méchant a été réduit à rien en sa présence, ce qui indique le mépris du magnanime, ajoute que le juste glorifie ceux qui craignent Dieu, parole qui se rapporte aux honneurs que l'homme humble se plaît à rendre. L'humilité et la magnanimité, on le voit, ne sont pas opposées, elles agissent seulement par des considérations différentes. Voici, au physique et au moral, ce qui distingue le magnanime. Les mouvements de son corps correspondent aux sentiments de son âme, sa démarche mesurée est exempte d'empressement, sa voix est grave, sa parole assurée. Il excelle dans la gratitude et rend de plus grands services que ceux qu'il a reçus. Il ne s'occupe que des choses importantes, qui seules sont de son ressort. Il ne s'avilit pas en reniant sa grandeur, mais il ne la montre pas tout entière, surtout en présence de ses inférieurs. Il n'est grand et magnanime qu'avec ceux qui sont riches ou constitués en dignité. Il se met à la portée des autres, il sait vivre avec tout le monde, grands et petits, autant que les convenances l'exigent, en tout, il préfère ce qui est honorable à ce qui est utile. Fin de la note. 4. La magnanimité est-elle une vertu spéciale? La magnanimité est une vertu spéciale, puisqu'elle a pour matière déterminer les grands honneurs, auxquels elle applique la règle de la raison. Mais, comme l'honneur est aussi la récompense de toutes les autres vertus, elle peut, en raison même de sa matière, se rattacher à toutes les vertus. Note. Le magnanime cherche ce qui est grand dans chaque vertu, parce qu'il incline vers tout ce qui mérite un grand honneur, aussi donne-t-il à toutes ses actions le caractère de la perfection et de la grandeur. Bienfaisant, il donne facilement et beaucoup. Vous ne le verrez jamais violer la justice, ni manquer à quelque vertu, pour s'épargner une perte ou une souffrance. Il ne trahit point la vérité et ne s'abandonne point aux plaintes, cela serait contraire à la perfection et à la grandeur de son âme. Toutes les vertus ont une beauté spéciale qui leur est propre, celle qui leur vient de la magnanimité les embellit encore. Fin de la note. 5. La magnanimité est-elle une partie de la force? La magnanimité a cela de commun avec la force qu'elle affermit l'âme dans les entreprises difficiles. Elle lui est inférieure en ce qu'il n'est pas aussi aisé de conserver la fermeté d'âme dans les périls de mort que dans la recherche des grands biens vers lesquels elle élève notre esprit. Il suit de là qu'elle s'unit à la force, comme une vertu secondaire à une vertu principale. Note. La force et la magnanimité se prennent quelquefois l'une pour l'autre, il n'en est pas moins certain que la vertu de la force l'emporte par son étendue sur la magnanimité. Fin de la note. 6. La confiance appartient-elle à la magnanimité? Le mot confiance, fiducia, par son étymologie même, fides, signifie une conviction mêlée d'espérance. La magnanimité ayant pour objet l'espérance d'une chose difficile à obtenir et la confiance étant précisément ce qui donne à l'espérance l'énergie et la conviction, la confiance revient à la magnanimité. Note. L'homme magnanime a besoin de Dieu et des autres hommes. En tant qu'il a besoin de ses semblables, il a confiance en eux, il est de notre excellence de pouvoir compter immédiatement sur le secours de nos semblables. Fin de la note. 7. La sécurité appartient-elle à la magnanimité? L'homme magnanime ne se laisse abattre ni par les troubles de l'âme, ni par les attaques des hommes, ni par les revers de la fortune, dit Cicéron. Or, en cela consiste la sécurité. Renfermée donc dans les limites de la raison, la sécurité est une condition de la force et de la magnanimité, elle appartient immédiatement à la force, et, par voie de conséquence, à la magnanimité, en tant qu'elle repousse le désespoir en éloignant la crainte. 8. Les biens de la fortune servent-ils à la magnanimité? Nous l'avons dit, la magnanimité a les honneurs pour objet et les grandes œuvres pour fin. Sous ces deux rapports, les biens de la fortune lui sont utiles. En effet, les honneurs ne sont pas décernés uniquement par les sages, ils le sont aussi par la multitude, qui, estimant beaucoup les biens de la fortune, rend de plus grands honneurs aux hommes riches. D'un autre côté, les richesses servent d'instrument aux actes de la magnanimité, par elles, aussi bien que par la puissance et par les amis, on a la faculté de faire de grandes choses. Les biens de la fortune servent donc à la magnanimité. Note. Le magnanime reconnaît l'utilité des richesses pour opérer le bien, mais, s'il s'agit de faire une action inconvenante pour les obtenir, il les méprise, il ne s'enorgueillit point de les posséder, il ne s'afflige pas de les perdre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.